C'est ma fille qui est là-bas. Doucement, les gars. C'est le père. Calmez-vous. Ma fille est là-bas. Bande d'enfoirés. C'est ma fille qui est là. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que c'est elle qui est là? Lâchez-moi. Est-ce que c'est ma fille qui est là? Est-ce que c'est ma fille qui est là? Courage pour ceux qui combattent, orphelins de longue date, comme à Sierra Leone, enfant soldat vie compacte, victime de précarité, debout sans charité, iris irrité en implorant la vérité. J'suis Zef, Zef, ça fait rêve pour les SDF, arrête d'être Steph, pense à la life, trouve du def, pour les malades incurables, pour quel mal est durable. Dans les affres de la mort, y'a la foi, y'a du courage, tu vends de la cocaïne, pour toutes ces familles jetline, world is mine, dans une montagne de farine, du courage tant que le cœur bat, oh maman ne pleure pas, plus de sang sur mes. J'serai un bonhomme comme papa. On s'occupe de l'entourage, l'argent sale je le délaisse. À cause des larmes sur ton visage, j'ai abandonné le nénès. Courage pour dire je t'aime, l'orgueil nous masque en haineux. Une armure me sollicite, mais l'intérieur est crémeux. Pour les victimes de la drogue, Inch'Allah qui s'en sort. Avant que Shaitan frappe à leur porte, ils implorent la miséricorde. Ils ont du courage pour accepter la mort d'un proche. Oubliez la la sueur au front, qui chaque matin se lève très tôt pour aller au front, qui en plus avant de partir lave la maison à fond. Et en général c'est dans les petits boulots qu'elle se donne à fond. En plus de ça les fils disent bis rac fus. Certains en prennent pour perpète, d'autres finissent sur le bitume. Dans le crime font leur baptême pour le butin. Mais dès qu'il y a un vrai problème y'a que des butins. J'oublie pas ses pères, on fait la guerre, celle sur le terrain ou celle des nerfs. Car faut du courage pour éduquer plusieurs gosses. C'est beaucoup plus hardcore que de faire clic avec le cross. T'as vu comment c'est facile de se coucher tard, de prendre l'argent facile et de finir au mitard. Suffit qu'une voix parle de trop ou qu'une main signe. Ça se voit pas, mais parfois c'est un jeune qu'on assassine. Courage pour accepter la mort d'un proche. Oubliez la relever les défis tout comme les épreuves. Tous les jours le tout puissant me nourrit qu'avec des preuves. Renard balafré à la pâte cassée dans la basse cour. Système corrompu de l'épicerie jusqu'à la haute cour. Comme un coup de tête en pleine face, dans le malheur je lève la tête et je fais face. Remonter la fosse et refaire surface. Je te parle pas de malchance, de poisse mais de cœur qui se brise. Je te parle de gars vécu frère comme une brise qui te frise. Dégoûté quand je vois les miens frôler la démence, la crise. Sur la façade de la vie j'avance même si j'ai pas de prise. Combien de frères se perdent dans la vie ou se mettent dans la merde ou direct partent vite de la cour justice. À la solo bar ou du tort, faut du courage pour visquer tous ceux qui nous veulent du tort. Un poteau garde la pêche et le courage comme cette mère qui élève ses mômes seuls. Protège ton entourage et prie le ciel. Faut peut-être des couilles pour tirer, mais du courage pour assumer ou quand la mort sonne. À ta porte sans prévenir personne. Faut du courage pour choisir trois chemins. Quand t'es dans le peu, que t'as peu de choix. N'hémorragie de courage, ce qu'encourage la révolution. En Tchétchénie, en Algérie, Haïti et autres nations. Du courage pour la maladie. Quand t'es suspect pour homicide mais sans alibi. Ou quand t'encaisses des années de placard calmement. Faut du courage pour un bras. Et le maniement d'armement. Du courage pour assumer une famille au RMI, au ramé, si bas en attendant le paradis. Du courage pour croire en leur gouvernement. Il en faut, garde la foi. Pour du courage.